tu sers plus à rien, quand tu n'as plus l'envie de sourire aux voisins, de parler aux amis, quand une nouvelle fois tu t'es retrouvé par terre à te demander pourquoi t'avais sauté en l'air. Tous les autres ne te font plus pleurer ni plus rire, tu te fous de ce qu'ils sont, tu ne penses qu'à gémir. Tu crois être seul au monde, à vivre prisonnier, à tourner dans une ronde qu'on t'aurait imposée. Mais elle est partie, oh laisse tomber boule fallait. Elle est partie, oh laisse tomber boule fallait. Tu te lèves à midi, la tête dans le brouillard, les angoisses de la nuit te poursuivent jusqu'au soir. C'est tous les jours pareil, hein, tu ne sais plus comment faire. Taper dans la bouteille n'arrange pas ta galère. Mais elle est partie, oh laisse tomber boule fallait. Elle est partie, oh laisse tomber boule fallait. Tu voudrais tout changer, tu ne trouves pas le courage, ni la force ni l'idée pour chasser ces nuages. Tu restes à contempler ta petite vie minable, seule ta médiocrité est un succès notable. Mais elle est partie, oh laisse tomber boule fallait. Elle est partie, oh laisse tomber boule fallait. Elle est partie, oh boule fallait. Elle est partie, oh boule fallait. Oh, tu veux hurler au monde que le monde est mal fait. Stopper net ta ronde, tu parles plus que de tuer. Mais tu sers pas à rien, non, tu retrouveras l'envie de sourire aux voisins, de parler aux amis. Mais tu sers pas à rien, non, tu retrouveras l'envie de sourire aux voisins, de parler aux amis.